Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. C'est compliqué une révolution. Il n'y a jamais les bons et les méchants, les tyrans et les opprimés, les despotes et les libérateurs. Ce serait trop simple. C'est le cas en Iran à la fin des années 1970. Alors, quelles sont les forces en présence? Il y a le Shah, le roi d'Iran. Dans le rôle du despote, il est parfait, même pour les États-Unis qui l'ont longtemps soutenu. Il y a l'ayatollah Khomeini qui, après 17 ans d'exil, revient au pays. Il y a l'armée aussi. Que va-t-elle faire? Il y a les syndicats, les partis de gauche et puis les communistes. Et puis, il y a les puissances étrangères, dans un contexte de guerre froide. Les États-Unis d'un côté, l'URSS de l'autre. C'est compliqué une révolution, car au cœur du mouvement, il y a des gens, des familles, des individus, des hommes, des femmes. Les révolutions ne se contentent pas de bouleverser les scènes politiques et diplomatiques, elles sont aussi des séismes intimes. Elles s'insinuent au cœur des familles, des couples, des amitiés. Voyage dans les foyers iraniens de la révolution de 1979. Cette semaine, dans le cours de l'histoire, nous sommes en Iran, l'Iran à la croisée des passions, l'Iran que nous avons vu sur son contexte général du XXe siècle, ses tensions avec les États-Unis qui expliquent l'actualité, l'Iran médiéval que nous avons traversé et aujourd'hui l'Iran à la croisée des passions en 1979 au moment de la révolution, des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet Le cours de l'histoire. franceculture.fr ou bien en balado-diffusion, le podcast des émissions que vous pouvez commenter sur le groupe Facebook Le cours de l'histoire. Et aujourd'hui avec nous pour nous parler de l'intime des femmes au cœur de la révolution iranienne, Shohra Makaremi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue chargé de recherche au CNRS. Vous êtes l'auteur du cahier d'Aziz. C'est une lecture bouleversante, ce cahier d'Aziz. C'est une lecture d'un cahier qui n'aurait pas dû être publié, il n'était pas destiné en vrai à ça. Racontez-nous juste en deux mots, vous l'avez retrouvé comment, ce cahier d'Aziz, et qui est Aziz? Alors ça, c'est la seule chose que je ne peux pas vous raconter, comment je l'ai retrouvé. Aziz, c'est mon grand-père maternel, et il a écrit, suite à la mort de ses deux filles, donc de ma mère et de ma tante, qui ont toutes les deux été exécutées en 1982 et en 1988, donc elles étaient opposantes à la République islamique, cependant révolutionnaires, en 79. Et suite à la mort de ma mère, donc en 88, son père s'est mis à écrire dans un cahier son témoignage de tout ce que la famille a traversé durant cette période. Puis ce cahier a dormi longtemps et finalement j'ai décidé de le traduire à partir de, on va dire c'était en 2004 à peu près, j'avais 24 ans, j'ai commencé à le traduire et à le publier en français d'abord. Il est publié dans la collection Témoins chez Gallimard, ce cahier d'Aziz. Shohra Makaremi, vous l'avez enrichi en plus, hein. Il y a des lettres, il y a d'autres éléments. Ce cahier d'Aziz, en plus, au-delà du témoignage, parce que c'est un témoignage, il permet de comprendre une période et il permet aussi de diffuser à la fois ce témoignage et un savoir. On peut le diffuser d'autres manières d'ailleurs. Oui, suite à ce cahier, j'ai également travaillé sur un film à partir d'images que j'avais filmées en Iran sur les traces des endroits qui sont évoqués, notamment par mon grand-père. Avec nous également ce matin, Azadet Kian, bonjour. Bonjour. Alors vous, Azadet Kian, vous êtes sociologue franco-iranienne, vous êtes professeure de sociologie à l'université Paris 7, Denis Diderot. Vous êtes l'auteur de « La République islamique d'Iran », de « La maison du guide à la raison d'État » et de « Femmes et pouvoirs en islam » chez Michalon. Ce regard que vous portez de sociologue intègre quelque chose qui tient du vécu, parce que c'est notre actualité à nous tous, nous le vivons, nous sommes sur quelque chose qui est encore brûlant, chaud, les prisons sont encore pleines en Iran. Tout à fait, et les prisons en fait ne se sont jamais vidées malheureusement depuis la révolution, même si la forme de la répression a changé, même si aujourd'hui on exécute moins qu'en 1988 ou 82, mais on continue à emprisonner, à torturer. D'ailleurs, je tiens à préciser que l'une de mes collègues anthropologues franco-iraniennes, Fariba Adelkha, est détenue actuellement depuis le mois de juin en prison, donc elle met il y a beaucoup d'autres femmes qui sont emprisonnées, prisonnières politiques, Nassim Sotoudeh, Narges Mohammadi, Athena Daimi, la liste malheureusement est longue, et donc effectivement, la violence est toujours exercée, est toujours là, mais la résistance également. C'est très bien ce que vous dites, Azazet Kian, de citer notamment ces noms de femmes qui sont en prison, car opposant est un terme générique, mais il y a des individus qui sont concernés dans leur corps, dans leur esprit, car la torture n'est pas seulement physique, la torture est aussi mentale. Et avec nous, pour nous parler des femmes au cœur de la révolution iranienne, Shala Shafik, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine, sociologue iranienne, vous vivez en France évidemment, et vous avez été actrice, vous aussi, de la révolution. Vous êtes actrice de la révolution, vous êtes arrivée quand en France ? 1982. Donc juste après la révolution, 3 ans après. Vous êtes l'auteur de « Islam, politique, sexe et genre » aux presses universitaires de France et du « Rendez-vous iranien » de Simone de Beauvoir. Que vient faire Simone de Beauvoir dans cette histoire ? Voilà, tout d'abord, par rapport à la prison politique, j'ai aussi écrit un essai ce qui s'appelle « Le nouvel homme islamiste, la prison politique en Iran ». Qui revient sur les écrits des prisonniers politiques qui ont pu s'échapper de la prison. Et effectivement, à travers cette lecture, j'ai compris la dimension fascisante du pouvoir islamiste. Mais par rapport à Simone de Beauvoir, effectivement, à l'époque où j'ai participé, j'étais étudiante de gauche radicale, et j'ai participé pleinement dans cette révolution en 1979. Mais avant aussi, j'étais dans un cercle de gauche à l'université. Et à l'époque, j'étais aucunement intéressée. De Beauvoir a été traduit en Iran. Les livres ont été traduits en Iran, mais très très peu. Une partie de Deuxième sexe a été traduite. Et je l'avais lu, mais j'étais pas du tout intéressée. En fait, le mouvement étudiant de gauche, mais le mouvement de gauche en général, n'avait pas des élans féministes. Et quand je suis arrivée en exil, quand j'ai appris la langue française, donc j'ai trouvé un rapport sur le voyage de Beauvoir, une commission présidée par de Beauvoir, puisque de Beauvoir elle-même, elle n'a pas pu aller en Iran. Qui allait pour soutenir la grande manifestation des femmes iraniennes, une des premières réactions face au pouvoir islamiste de la part des femmes, spontanément, dans la rue. Et donc là, j'étais complètement choquée, en fait, en disant, moi, j'étais là et je n'étais pas intéressée, et ici, en exil, puisque le voile était devenu un problème important. Et là, c'était l'idée, la première clash. Et des années après, il y a eu, dernièrement, en janvier, cet essai a été publié. C'est l'histoire d'un va-et-vient entre ma génération et la génération actuelle qui est féministe et qui cherche une partie, qui cherche aussi à se libérer. Azadet Kian. Oui, je voudrais juste préciser qu'en février 1979, à peine un mois après la victoire de la révolution, les lois islamiques ont été remises en vigueur, si vous voulez, et de façon spontanée, il y a eu une manifestation très importante de plusieurs milliers de femmes, dont j'y étais, et il y avait pas mal d'étudiantes et d'étudiants, mais aussi des femmes qui travaillaient, mais qui étaient voilées. Il y avait, par exemple, je me rappelle très bien, des ouvrières, il y avait beaucoup d'infirmières, etc., dont certaines étaient voilées et pourtant étaient là pour protester contre l'islamisation des lois et également le port obligatoire du voile. Et on a été bien reçus par les nervis de Hezbollah, on a été tabassés. Et à l'époque, je veux dire, effectivement, les mouvements de gauche ni les autres n'étaient pas féministes du tout et rejetaient le féminisme en tant qu'importation occidentale, quoi. Et donc, mais les femmes étaient là, c'est ça que je veux dire, les femmes étaient toujours là, indépendamment des formations politiques. Oui, alors là, Azadet Kian, les femmes étaient toujours là, elles sont toujours là, et regardez les femmes dans la révolution iranienne, ce n'est pas juste s'amuser à prendre un angle, ça va au-delà de ça, on sent que l'on est au cœur des problématiques de cette révolution iranienne. Et bien pour le moment, je vous propose d'écouter un bricolage magique et sonore réalisé par Milena Elig. Milena, qui assure la mise en onde de cette émission Le cours de l'histoire, avec aujourd'hui à la technique Pascal Baudin. Milena s'est emparée des archives pour nous plonger dans ce moment intense qu'est celui de la révolution de 1979 en Iran. Jamais l'Iran n'avait connu pareil mouvement de foule. plus de 3 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont envahi tôt ce matin les principales artères de la capitale. Au cours desquelles revenait comme un leitmotiv « Le Shah, c'est fini, bientôt un gouvernement islamique, notre seul chef, l'ayatollah Khomeini. » Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. La gauche marxiste iranienne est descendue à visage découvert dans la rue à Téhéran pour la première fois de son histoire. Ni pour Dieu, ni contre Dieu. Cette gauche persécutée proclame « Nous ne sommes pas sortis de la dictature du Shah pour tomber dans la dictature islamique. » Bonsoir à tous. Le Shah d'Iran et l'impératrice Farah ont quitté leur pays ce matin. Après 15 années d'exil en Turquie, en Irak, finalement en France, l'ayatollah Ruhollah Mousavi al-Khomeini s'apprête à rentrer en Iran. Mais ça ne vous gêne pas tout de même de manifester à côté de jeunes femmes qui portent le voile traditionnel, le tchador? Pas du tout. Elles ont la liberté de s'habiller comme elles veulent. Mais vous revendiquez la vôtre également? Exactement, oui. Milena Eli qui a réalisé ce montage d'archives qui évoque le questionnement autour notamment du voile de la révolution. Je voudrais savoir ce qu'est cette révolution, quelle place avaient les femmes, parce que la révolution s'oriente vers la religion pour chasser le Shah d'Iran, très bien, mais c'est parce qu'il y avait plein de possibles. On ne sait jamais de quoi sera fait l'avenir quand commence une révolution. Quelles étaient les différentes positions autour de cette révolution? Dites-nous, Shahla Shafik. Si vous voulez, pour revenir sur ce qu'on vient de dire, nous, il faut savoir que même parmi la gauche, effectivement, la gauche en général, surtout les mouvements, les directions n'étaient pas intéressées par la question de la libération des femmes et par le féminisme. Mais en même temps, il y avait une partie de gauche, une partie des femmes de gauche qui étaient y compris mobilisées dans cette manifestation. Après, il faut voir qu'il y avait aussi des partis. Ce qui est intéressant en Iran, c'est qu'on a une gauche multi-tendance. C'est pas que une tendance, il y a quand même un débat à l'époque. De l'autre côté, par rapport à la question de voile, comme a été dit, il y a des femmes voilées, non voilées, mais en même temps, ce que je me rappelle dans les manifestations, après un certain temps, je rappelle que les mouvements de gauche et les libéraux et par exemple les écrivains et tout étaient au premier rang, les classes urbaines étaient au premier rang de la révolution. Je me rappelle très bien que quand on allait dans la révolution, ça a commencé, il y a eu des islamistes. À l'époque, le mot islamisme n'existait pas. Mais il y avait des hommes qui venaient ou des femmes qui venaient dire les sorts à nous. Nos sœurs prenaient le voile et nous, on disait pourquoi. Ils disaient pour afficher la solidarité. Donc, si vous voulez, il y a eu des stratégies de la propagande dès le début. Après coup, je le dis. Mais à l'époque, c'était pas visible et le voile était devenu une stratégie de mobilisation islamiste. Ça, c'est la première chose qu'il faut avoir à l'esprit. Et là, je l'ai. En fait, si vous voulez, quand on regarde aujourd'hui, on voit quand même les dimensions qui s'expriment autour de ce tissu qui doit cacher, qui philosophiquement doit cacher la femme, mais en même temps, il devient le miroir de la révolution iranienne quelque part dans cette étape-là. Shora Makarimi. Oui, pour répondre à la question des forces en présence, moi je veux bien tenter une espèce de panorama et être corrigée par celles qui ont vécu la période. Donc, d'une part, il y a des groupes qui sont en effet plutôt islamistes et rattachés au clergé. Donc la structure du clergé chiite, contrairement aux sunnites qui n'a pas de clergé, donc en Iran il y a un clergé très puissant. Ces groupes-là, je pourrais dire, sont de deux sortes. Il y a tout un mouvement relativement technologiquement très avancé qui était proche de l'ayatollah Khomeini en exil en France, donc comme Bani Sadr, Rotbzadeh, qui sont des technocrates jeunes, mais quand même des technocrates qui formés en France et qui vont rentrer, qui vont préparer le retour de Khomeini et qui vont rentrer avec lui en Iran. Il y a également tout le clergé qui diffuse et qui a, de façon historique, est très implanté dans les mosquées locales et qui va réussir à mobiliser toute une masse de personnes qui sont plutôt des franges, qu'on pourrait dire du lumpenprolétariat, des gens pauvres, appauvris paradoxalement par les réformes agraires du Shah en 63, qui ont vendu leurs terres, qui sont venus vivre à la ville et qui sont comme ça dans des sans plan d'urbanisation, dans des bidonvilles, et qui sont des forces mobilisées par le clergé à un niveau très très local autour des mosquées. Et ce sont eux qu'on appellera plus tard le Hezbollah, le Bassit, ce sont les forces qui seront mobilisées. Vous compléterez. Ensuite, il y a toujours dans une mouvance islamiste mais anti-clergé et d'obédience socialiste, les Mojahedines du peuple, Mojahedine Ehrar, qui ont également une base extrêmement solide et très populaire. À l'époque, et dont l'historien, par exemple, Ervan Abramian, qui fait référence sur la révolution, qui écrit en anglais, va se poser la question comment se fait que ce mouvement qui avait des centaines de milliers, voire millions d'adhérents, va se transformer petit à petit au cours de la répression en un mouvement de plus en plus réduit, va prendre les armes, va devenir un groupe armé, etc., avec une tendance sectaire forte. Mais en 79, c'est un mouvement très populaire. Il y a la gauche également, une gauche fragmentée, multiple, qui a une culture aussi à la fois de guérilla urbaine dans les années 70, mais aussi une gauche, le Parti communiste, le Toudé, lié à la politique de l'Union soviétique, qui a à travers la grève des raffineries de pétrole, qui a joué un rôle très important dans la révolution, qui a quand même un ancrage à travers les shoras, à travers les assemblées, qui vont jouer un rôle très important dans les grèves des raffineries de pétrole. Et donc, il y a un ancrage ouvrier, même si c'est plutôt, quand même, la gauche, c'est plutôt les classes urbaines éduquées, on va dire, et surtout la gauche radicale. Et puis, il y a les nationalistes, les libéraux. Par exemple, quand la constitution pour la République islamique, quand le projet a été présenté. Il y a eu une énorme conférence qui a regroupé une multitude de groupes, donc près de 100 groupes de la société civile qui sont venus critiquer cette constitution. Donc ce sont des voix qu'on entend beaucoup moins, mais d'une société civile libérale qui existe également. Azadeh Kian, quand on entend ce panorama, qui est un panorama complexe, mais c'est la réalité qui est complexe. Nous aimerions bien qu'il y ait des gentils, des méchants, mais c'est pas comme ça. Il y a plein de groupes, il y a plein de mouvements de pensée, et c'est une bonne chose. Mais pour simplifier, est-ce qu'on pourrait dire que le voile, l'islamisme tel qu'il était présenté à ce moment-là, a pu être une voie prise par plusieurs groupes qui n'y croyaient pas vraiment, mais qui se sont dit, tiens, ça va nous être utile pour renverser le Shah, et après, nous allons voir ce qu'on va construire. Il faut dire que à cette époque-là, je me rappelle très bien, la majorité des Iraniennes, en particulier dans les quartiers populaires à Téhéran et puis dans les villes de province, étaient voilées. C'était pas le voile islamiste, hein, c'était le tchador, c'était la voile traditionnelle iranien qui est ouvert de devant. Et donc, effectivement, de nombreuses femmes. On va dire séculière, hein, qui, comme le dit d'ailleurs Foucault, Michel Foucault les a aussi rencontrés et il a été très surpris. Mais voilà, il y avait un certain nombre de femmes d'obédience de gauche ou pas, qui porter le voile au moment des manifestations, des grandes manifestations, pour montrer leur désaccord avec le régime du Shah et pour établir une sorte d'unité révolutionnaire avec les autres. Si vous voulez, je pense que ces femmes-là ont participé d'une façon ou d'une autre à la politisation du voile. Et c'est cette même politisation du voile en tant que symbole révolutionnaire qu'on voit par la suite adopté aussi par le régime islamiste d'Iran, puisque le voile, effectivement, comme on l'a dit, devient obligatoire dès le début de la révolution et considéré comme le symbole du sang des martyrs et en fait l'honneur du régime islamique d'Iran. Et c'est la raison pour laquelle, alors que jusque-là, c'était des pères, des sœurs, des frères, pardon, et des maris qui veillaient à l'honneur de leurs femmes dans des familles traditionnelles religieuses à travers le voile, eh bien, à partir de là, c'est le système qui s'en occupe, si vous voulez, raison pour laquelle ça fait partie intégrante, si vous voulez, je pense, de fondements idéologiques du régime islamique d'Iran, d'où la résistance des femmes dès le début à l'obligation du port du voile qui continue jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que si le voile a été un peu facilement intégré dans la loi, parce qu'il y a une loi qui oblige les femmes à se voiler, c'est parce que à cette époque-là aussi, beaucoup de femmes iraniennes se voilaient et donc la résistance n'était pas très grande. Hein. Je vous ai donné l'exemple de février 79. Bon, on était quelques milliers, on n'était pas des centaines de milliers dans la rue. Chala Chafi. Moi, je nuancerais ce que dit Azadeh Kian, puisque je pense qu'il y a eu une... En fait, on ne peut pas dire que... Si vous regardez les chiffres, par exemple, à l'université iranienne à l'époque, 30% des étudiants étaient des femmes. Et le voile à l'université était très rare. C'était arrivé après avec les nouvelles théories islamistes, comme le voile émancipateur, etc. On l'a rencontré, ce voile-là, qui était un voile idéologique, dans 5 ans ou 6 ans avant la révolution iranienne. C'était un phénomène. Dans les classes urbaines, dans les grandes villes, les femmes étaient non voilées. Ma mère était infirmière, elle ne portait jamais le voile. Ma grand-mère le portait de manière très libérale, comme on dit, dans certains. Mais si vous voulez, il y avait une réalité très complexe autour du voile. Mais c'est vrai que dans les lieux traditionnels, on ne peut pas parler d'une majorité-minorité. Mais ce qui a fait que ce voile, après, deuxième élément que je voudrais apporter, c'est la résistance énorme. Si vous voulez, ce qu'on voit par rapport aux réformes à l'époque de Pahlavi, de la dynastie Pahlavi. Du Shah, donc. Oui, du Shah, et son père et le fils. Il y a eu de l'urbanisation, il y a eu sécularisation un peu progressive, et avec une dictature. Effectivement, ce que j'appelle une modernité mutilée, ça veut dire une modernisation sans modernité politique. Ce qui a créé quand même une sorte de... si vous voulez, on n'a pas une sécularisation qui soit démocratique. Donc, dans ce cas-là, vous avez des femmes qui participent de plus en plus dans la vie civile. Et cette résistance des femmes iraniennes face au pouvoir islamiste, avec une manifestation au début, bien sûr, où il y avait quand même des milliers, on ne peut pas dire des centaines, mais il y a eu quand même un choc par rapport à cela. Et deuxième chose, c'était dès le lendemain, quand ils ont réprimé la manif des femmes, la manifestation des femmes, il y a eu le phénomène de mauvais voile dès le début. Le mauvais voile, ça veut dire que le voile obligatoire a été moqué par les femmes et jusqu'aujourd'hui, et parce qu'il y a une résistance, c'est une résistance continuelle qui commence le lendemain de la révolution et continue jusqu'ici. Donc on ne peut pas dire que ça a été sans résistance. Chala Chafik, le mauvais voile, c'est porter le voile un peu différemment que l'autorité religieuse le voudrait, comme un élément de contestation. Oui. Les femmes contestent le voile dès le début de la révolution, mais ce voile peut être utilisé mais presque comme un symbole de changement de régime. Et après, nous allons voir ce qui va se passer. Quelque part, mais c'est souvent le cas en histoire, la révolution est confisquée et nous passons après, dans un autre monde. Nous allons écouter un chanteur iranien. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais vous serez là pour me corriger. Kourosh Yagmaei. Yagmaei, tout à fait. Merci, qui chante Goleyak. Goleyak. Goleyak, en 1974, et qui nous plonge dans l'Iran, juste avant, quelques années avant la révolution. Mais comme tous les chanteurs et comme tous les artistes, ce sont des gens qui ne sont pas oubliés et qui restent dans les mémoires, même après la révolution. قمیونه دو تو چشمون قشنگه لونه کرده شب تو موهای سیاهه خونه کرده دو تو چشمون سیاهه مثل مثل شبهای منه سیاهی های دو چشمت مثل رمهای منه وقتی بغض از موجه هم پایین میام بارون میشه سیل غم را وادیو ویرونه کرده وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره دوتا چشمان بارونه شبونه کرده بهار از دستای من پر زد و رفت گل یخ توی دلم جوونه کرده تو اتاقم دارم از تنهای آتیش میگیرم عشق خفه توی این زمونه کرده چی بخونم جوونیم رفت صدام رفت دیگه گل یخ توی دلم جوونه کرده چی بخونم جوونیم رفت صدام رفت دیگه گل یخ توی دلم جوونه کرده کوروش Yagmae, chanteur iranien qui chante Goleyar. C'est une chanson de 1974. Dites-nous, de quoi ça parle ? Ça parle d'une fleur, ça veut dire en fait, elle dit « Je ne peux plus chanter, ma jeunesse est perdue. Et maintenant, dans mon cœur, je sens grandir la fleur de la glace, la fleur de neige. » Ça veut dire que le froid de désamour. Chala Shafik, merci beaucoup pour cette explication qui est presque une métaphore de cette révolution, qui est presque une métaphore, c'est ça qui est magique avec les artistes, c'est qu'ils sentent les choses bien avant. Et l'espoir porté par la révolution iranienne de 1979 est vite terminé, et là c'est la glace qui revient, et commence une période très difficile. Pour les femmes notamment, d'autant que cela est visible dans la rue. Qu'est-ce qui est imposé en fait aux femmes en Iran après la révolution, une fois en fait que le mouvement populaire est étouffé ? Écoutez, je pense que l'inégalité de genre entre les hommes et les femmes, j'entends, est au fondement du régime islamique d'Iran. Et donc, raison pour laquelle, dès le début de la révolution, ce sont ces lois dites islamiques qui sont instaurées. C'est-à-dire que même les lois qui existaient à l'époque du Shah, qu'on appelait le code la loi de la protection de la famille, dès 1967, il y a eu une révision et donc amélioration. Et donc, les femmes ont commencé à avoir davantage de droits, même si c'était toujours calqué sur un modèle islamique. C'est un peu comme ce que disait Bourguiba, le président tunisien, mais c'était dans un esprit, je veux dire, plutôt réformiste de l'islam, alors que après la révolution, c'est dans une vision obscurantiste de l'islam. Et donc, de ce fait, il y a une violence, à mon sens, inouïe qui est imposée aux femmes à travers les lois. C'est-à-dire que les femmes perdent quasiment, au début, le droit à la garde de leurs enfants. Par exemple, un certain nombre de droits qu'elles avaient avant. On avait des juges, on avait des femmes juges. Madame Ebadi, le prix Nobel de 2003, était présidente de la Cour au moment de la révolution, elle a été démise de ses fonctions, tout comme les autres juges, femmes, sous prétexte que les femmes sont manipulables, etc. Elles ne peuvent pas rendre des décisions objectives. Et donc, les femmes sont assignées, en fait, à la domesticité, si vous voulez, selon les lois, et totalement dépendantes, selon les lois, à leur mari ou leur père, hein, puisqu'il y a une tutelle, en fait, qui est imposée aux femmes. Et au début de la révolution, les hommes vont commencer à abuser de leurs droits. Par exemple, il y a eu beaucoup de divorces dits injustifiés parce qu'il suffisait que les hommes disent « je ne veux pas vivre avec ma femme » et il allait divorcer cette femme qui avait vécu de nombreuses années avec lui. La femme perdait aussi le droit à la garde des enfants parce qu'il ne faut pas oublier que... Et la loi est toujours en vigueur, hein, c'est ça le problème. Raison pour laquelle dans mon livre, hein, qui porte sur l'islam en général, pas seulement sur l'Iran, mais je pense que c'est très important, cet islam hiérarchique hein, qui existe et s'exerce à travers cette hiérarchie au sein des familles et des rapports aux femmes depuis donc le mariage voilà. Et donc il y a eu tout au début, dès l'instauration de cette loi, et là ce sont mes enquêtes avec des avocates, parce que les avocates continuent à exercer, qui par exemple en partie ont témoigné de cette violence et la réaction des femmes. Par exemple, il y avait des femmes voilées qui venaient apprendre que dans le tribunal que elles étaient divorcées, et donc ces avocates me disaient, elles enlevaient leur voile, elles jetaient leur voile dans la figure du juge en disant c'est ça l'islam, je n'en veux pas, c'est ça le régime islamique, je n'en veux pas. C'est-à-dire que ces combats des femmes ordinaires, parce que là par exemple Shora, en parlant de sa mère et de sa tante, elle parle des femmes politisées, militantes politiques, mais il y a aussi des femmes ordinaires que j'ai beaucoup vu dans mes enquêtes qui ont résisté à leur façon et continuent à résister à leur façon. Mais oui, Azadeh Kian, c'est ça aussi, étudier la place des femmes en Iran, c'est qu'il y a une pluralité de situations, une pluralité d'engagements et une pluralité de violences et de dépendances. Vous l'avez très bien dit, cette violence peut être ordinaire, mais qui a des conséquences concrètes quand on est privé de ses enfants, c'est très fort. Et puis après, ça va beaucoup plus loin. Il y a la prison, il y a la torture, il y a les exécutions. Shora Makarimi, dites-nous, votre maman avait quel engagement dans le mouvement révolutionnaire ? Donc ma mère était membre des Mojahedin Echal, Mojahedin du peuple, et elle était... Donc c'est plutôt mouvement de gauche ? Oui, islamique. Mais voilà, relié à la religion. Et elle était candidate pour les élections législatives de 1980 à l'Assemblée nationale iranienne, qui ensuite est devenue l'Assemblée islamique. Suite à la victoire donc des partis islamistes. Moi, ce qui m'a intéressé justement par rapport à la lecture une lecture en anthropologue du témoignage de mon grand-père. Ça, c'est le cahier d'Aziz. Le cahier d'Aziz, c'est l'articulation entre ce dont Azadeh Kian a parlé, donc la reconfiguration des mœurs. Et la façon dont la mise sous surveillance de la société à travers des lois qui s'adressent à la famille et aux femmes. Donc l'articulation entre les femmes ordinaires, ce qui est fait aux femmes ordinaires, et justement la répression politique qui a ciblé quand même une population restreinte, puisque les prisonniers politiques, ce sont des centaines de milliers de personnes, les exécutés plusieurs dizaines de milliers, mais on n'est pas, voilà, c'est relativement restreint. Et donc cette articulation-là, moi je l'ai vue à travers le traitement des femmes en prison. Et c'est là-dessus que le témoignage de mon grand-père, je trouvais précieux, parce qu'il nous permet de comprendre comment est-ce que ces militantes, ces activistes politiques sont ciblées dans leur identité, dans leur fonction de mère, et sont ramenées à travers la pression qui est faite sur leur famille, à la place traditionnelle qui est attendue des femmes. Ah oui, c'est ça, c'est la femme procréatrice et ça s'arrête là, et la femme qui doit rester au sein du foyer. En fait, ce qui est intéressant pour moi, c'était de comprendre comment est-ce que, parce que, et pourquoi est-ce que c'était important pour moi ? Justement parce que j'avais été héritière, enfin j'avais entendu de nombreux témoignages de prisonniers politiques, des écrits, parce que les prisonniers politiques qui ont survécu aux prisons de la République islamique ont vraiment témoigné beaucoup. Et on vraiment fait, enfin, on remplit une responsabilité historique qui était de produire des témoignages sur ce qui s'est passé. Donc, on n'en manque pas. Pourtant, moi, ce qui m'avait marqué, c'est que ces témoignages-là, forcément, puisqu'ils parlaient depuis la prison, souvent présentaient un face-à-face entre un pouvoir, que moi j'appelle un pouvoir psychotique, et un prisonnier. Donc, c'était une expérience de terreur, c'était une expérience de rapport de pouvoir comme ça, duel. Or, ce que présente le témoignage de mon grand-père, qui est du point de vue des familles, c'est justement plutôt un triangle. Et il y a le rôle et la fonction des familles, et ça nous permet aussi de voir la fonction qu'avait la répression des prisonniers politiques, la répression des militants, sur la société plus largement. Et donc du coup, de casser cette idée que si on est opposant politique, on se fait cibler et on est victime de violence, mais par contre, si on n'a rien à voir et si on ne s'oppose pas au pouvoir, alors on peut être plus tranquille, on est dans des formes plus douces, on est face à un régime qui est plus doux, qu'on ne peut pas appeler est totalitaire, etc. Et ça permet de casser ça et de voir comment est-ce que le pouvoir iranien, en ciblant des quelques centaines de milliers de personnes, en fait, a produit un tissu de terreur sur plusieurs millions de personnes. Shora Makarimi, nous allons écouter justement une lecture du témoignage de votre grand-père, une lecture tirée du cahier d'Aziz. Oh, mon cher Coran, c'est à toi que je confie les peines de mon cœur. Les injustices et souffrances subies, c'est à toi que je m'en plains. L'une de mes filles était enceinte de 8 mois. Ils l'ont exécutée le 7 octobre 1982 à Bandar Abbas. Mon autre fille, qui avait 2 petits-enfants de 6 mois et 3 ans, a été arrêtée le 15 juin 1981 à Shiraz. Elle est restée en prison pendant 7 ans et 6 mois, dont 3 ans en cellule d'isolement, interdite de parole pendant 1 an. Quelle torture n'a-t-elle pas connue? Ils lui ont arraché les ongles des orteils à coups de fouet. Ils lui ont percé les tympans à coups de gifle. Ils lui ont cassé les dents. Tout ce temps, ils ont empêché les visites de ces pauvres enfants. Toutes ces souffrances ont été infligées au nom de l'islam et de la défense de l'islam. Et que s'est-il passé? Était-ce la justice de l'islam? Quand après 7 ans et 6 mois de course effrénée derrière les portes des prisons à Bandar Abbas, Gacharan, Téhéran, Shiraz, ils m'ont donné un numéro de tombe dont on ne sait pas si ma fille est en dessous ou non. Le cahier d'Aziz, lu par Daniel Königsberg, c'est le début du cahier d'Aziz qui pose en fait l'ensemble des problèmes qui nous touchent dans l'émotion, parce qu'il y a quelque chose d'universel dans ces liens d'un père à sa fille, d'une fille à sa mère. C'est quelque chose d'universel et nous sentons, mais c'est une volonté du pouvoir, l'incompréhension, ce doute permanent, laisser tout le monde dans l'hésitation, le ne pas savoir où l'on est, où sont nos proches. C'est ça aussi, cette terreur qui est construite en Iran, encore aujourd'hui. Oui. Shala Shafik. Tout à fait. Aujourd'hui, par exemple, on dit que dans la prison politique, c'est vrai. C'est-à-dire les années, la première décennie auxquelles j'ai consacré d'ailleurs un livre qui s'appelle « Le nouvel homme islamiste », puisque c'est là où l'idéologie du régime et à son, ça veut dire, en fait, quand vous êtes dans la prison, ça devient, comme dit Foucault, un microcosme de la société tout entière. Et donc, la terreur est à l'apogée puisque le geôlier a le pouvoir total. Mais toute la méthode qu'ils ont pratiquée dans cette prison, c'est une méthode qui, et les témoignages, comme a dit Shora, qui en restent, ça démontre quand même ce que j'appelle un sadofascisme sacré. C'est pas, en fait, ce que fait l'islamisme qui n'est pas l'islam, si vous voulez, l'islamisme n'est pas une pratique religieuse, c'est une idéologisation du religieux. Et cette idéologie basée sur l'islam, avec les décrets de l'islam, c'est une idéologie qui instaure une terreur totalitaire. Dans cette terreur, il y a la colonne vertébrale, c'est les relations, les rapports sociaux de sexe. C'est l'homme-femme. C'est ça qui est intéressant par rapport à notre débat. C'est qu'on voit, comme a été dit, première année de la révolution, je vous donne quelques lois qui ont passé. Ça veut dire quelques décrets, lois et tout. Là, Azadikian l'a dit, c'est la question de abrogation de la loi de famille qui était une réforme relative. Et la polygamie, l'instauration de la polygamie, la réputation, toute la charia, la loi islamique qui s'instaure, considère la femme comme la moitié de l'homme. Il y a une sacralisation de la violence sexiste et sexuelle. C'est pas seulement des discriminations, une sacralisation, en fait, qui s'instaure de ce côté. Il y a la réduction de l'âge de mariage de 18 ans à 13 ans. À 13 ans. À 9 ans, Shala, au début. Au début, c'était 9 ans. Non, au début, c'était à 13 ans. Après, ils ont passé à 9 ans. Ah. Et après, par les réformes, ils ont passé encore à 13 ans. Si vous voulez, la il y a eu la question de non-mixité, qui est toujours le cas, qui devient très surréaliste. C'est que là, le mélange homme-femme est considéré comme dangereux pour la société. Donc, dans la première année, le mois de juin, il y a eu des femmes qui ont été flagellées, puisque ils ont pris la, ça veut dire, ils ont allé nager dans la mer. Il y a eu la mer qui a été voilée, si vous voulez, je l'ai dit dans un de mes essais, la mer voilée. Vous voyez, dès c'est le mois ça. De juin 1960, dès le mois de juin 79. Donc ça, c'est dans la prison politique. Ce qui se passe, et ça parle de la résistance, puisque la prison politique dans toutes ces sociétés, c'est quelque part un microcosme qui représente quelque chose d'autre. C'est pas que une poignée de gens, si vous voulez. Donc dans cette prison politique, il y a des femmes. Il y a, et moi j'ai fait une étude à l'époque entre les femmes exécutées dans les premières années de la révolution, de la République islamique. J'ai comparé avec les chiffres sous Mussolini. Quand vous voyez par exemple qu'en Iran il y a eu plus de 1000 femmes et Mussolini c'était quelques centaines, vous voyez quand même la résistance des femmes iraniennes. Pas seulement contre le voile, pas seulement, mais c'est pourquoi je dis cette manifestation des femmes iraniennes contre le voile, ça symbolise quand même une résistance multiple façon. Si mais c'est très important ce mot de résistance parce que nous parlons beaucoup de l'oppression et c'est légitime d'en parler, ne serait-ce que comme un hommage de cette oppression. Azadeh Kian, vous êtes l'auteur de Femmes et pouvoir en islam. Le cas iranien n'est pas un cas lié à la religion. La religion est instrumentalisée et les femmes sont malgré tout au cœur de la résistance dans cette oppression quotidienne. Tout à fait, mais je pense que si vous regardez par exemple les lois islamiques en vigueur, ce qu'on constate c'est que là où l'islam politique s'exerce, et je regardais aussi les autres mouvements islamistes en Algérie, au Maroc, ailleurs, quelle est leur revendication ? L'islamisation de la famille. Et sinon, aspect économique, c'est l'économie libérale, enfin comme ça existe partout ailleurs dans le monde, avec quelques variations, etc. Donc moi je pense que là où l'islamisme s'exprime, c'est en particulier en Iran, c'est dans les lois de la famille, et d'une part, et le code pénal. Et dans les deux cas, qui est aussi calqué sur un modèle islamique, dans les deux cas, ce sont effectivement les femmes qui sont privées de leurs droits humains. Et elles ne sont plus considérées comme des citoyennes à part entière, mais comme la moitié de l'homme, si vous voulez, voire le quart de l'homme dans certains cas. Donc, dans le cas de témoignage, par exemple. Effectivement, ce sont des lois qui concernent toutes les femmes. C'est pas seulement des femmes d'élite, c'est pas seulement les opposantes, n'importe quelle femme. J'ai vu dans mes enquêtes, encore une fois, des femmes qui avaient vécu 20 ans avec un homme et qui avaient été divorcées sans raison valable, comme on dit, qui avaient perdu la garde de leurs enfants. Pourquoi ? Parce que pour obtenir la garde des enfants, selon les lois islamiques, il faut montrer que la mère est capable de subvenir aux besoins de ses enfants. Or, la plupart des femmes iraniennes ne travaillent pas, en tout cas officiellement, ne peuvent pas montrer des fiches de paye. Seules 15 à 18% d'entre elles peuvent montrer des fiches de paye, si vous voulez. Et donc, elles ont perdu aussi ces droits. Et donc, bien sûr, elles héritent la moitié de la part de l'homme. Mais ça aussi, c'était sous le champ, c'était pareil. Mais là, il y a une conscientisation, je dirais, de la part de l'ensemble des femmes. Est-ce que je vois la résistance ? C'est pas seulement aller dans la rue et manifester. Je vois chez beaucoup de femmes ordinaires, dans les villages aussi en Iran, les femmes qui résistent à travers l'éducation plus égalitaire qu'elles donnent à leurs filles. Elles insistent à ce que les filles aillent à l'école, continuent leurs études, et se marient lorsqu'elles aient déjà trouvé un emploi, etc. C'est-à-dire que la résistance des femmes ordinaires, des femmes villageoises aussi est vraiment très palpable. Shora Makarimi, c'est vrai qu'en lisant le cahier d'Aziz, on sent l'utilisation que fait le pouvoir des femmes pour terroriser. Et ça, c'est à partir des prisonnières politiques, terroriser l'ensemble des femmes iraniennes et dès lors les enfants, les maris, les frères, l'ensemble de la population. Oui, je voudrais revenir sur la question de la résistance, justement, en rappelant aussi un élément dans ce panorama-là. Un élément, je me permets de le rappeler parce qu'on ne pourra pas m'accuser de vouloir amoindrir, disons, la violence que porte ce régime. Mais c'est quand même très intéressant de se rappeler que cette ségrégation homme-femme qui a été imposée dans l'espace public a produit un effet de résistance incroyable, qui est justement le fait que toutes les filles ont été envoyées à l'école, par leurs parents, notamment dans les familles traditionnelles. Et que du coup, l'accès des filles iraniennes à l'éducation a explosé après la révolution. Et ça, c'est une vérité qui a été renseignée sociologiquement, tant et si bien. Et du fait conjugué de l'effet, en fait, de empowerment, on va dire, non voulu, de ces politiques de ségrégation. Très paradoxal. Et des résistances au sein des familles pour renforcer le potentiel et des filles qui étaient soumises à ces lois-là. On a eu, par exemple, plus de 60% des candidates à l'université, des candidats à l'université qui étaient des femmes, des candidates. Tant et si bien, je crois qu'à un moment, la République islamique a imposé des quotas de discrimination positive pour les garçons, parce qu'il y avait trop de... Donc, la question de la résistance, c'est aussi cela. Et ce qui, si je peux... Ce qui m'intéresse, moi, c'est par rapport à cette réalité de la société civile, comment est-ce que la violence, comment est-ce qu'on met, en fait, en dialogue, la violence dont est capable ce pouvoir envers ses opposants, envers ceux qui franchissent les lignes rouges, comme ils disent, et ces formes de résistance et de montée en puissance de la société civile. Pour moi, il me semble que les formes de violence extrêmes qui sont utilisées à l'encontre des opposants politiques permettent un pli, une espèce de plafond de verre de la résistance que peut porter la société civile. C'est-à-dire que personne ne va chercher à franchir les lignes rouges. Et donc le rapport entre société et État est renégocié à travers la terreur qui a été imposée aux familles et qui a vu son apogée en fait à travers le massacre des prisonniers politiques en 88. C'était plusieurs milliers de prisonniers qui ont été massacrés dans le plus grand silence en quelques mois. Et cette espèce, ces violences là, les disparitions politiques, les incertitudes, ces formes de terreur ont permis de renégocier, mais de façon tout à fait implicite, les rapports entre société et État. Et je crois qu'aujourd'hui encore, on est héritier de ces lignes rouges qui ont été tracées par le pouvoir. Et nous sentons régulièrement des failles, effectivement, où les femmes, encore aujourd'hui en Iran, c'est par elles que passe la résistance. Shahla Shafiq. Si vous voulez, moi, je pense que mon analyse, c'est un peu différent. Ça veut dire, en fait, la terreur pas seulement dans le sens de tuer les gens, dans le sens arendtien. Ça veut dire, en fait, là, le régime de Shah était dictatorial. Anna Arendt a étudié le totalitarisme. Mais on fait un passage vers une sorte de totalitarisme où la terreur devient, comme dit Arendt, la définition, si vous voulez, est structurelle. Donc, vous passez par cela, par une répression généralisée qui ne concerne pas seulement le foyer, mais l'espace public aussi. Tous les domaines où, non seulement l'espace politique, excusez-moi, mais aussi tous les domaines de la vie. Ça veut dire que tout est sous contrôle avec l'instauration de mœurs islamistes. Ça veut dire de dire le modèle de musulman bon et mauvais, puisque c'est ça qui se fait avec l'islamisme. C'est les musulmans qui sont réprimés. C'est que vous êtes le bon si vous êtes proche de version idéologique, vous êtes le mauvais. Donc ça installe une sorte de terreur dans tous les domaines de la vie qui fait que ces lignes rouges sont tout le temps, dépassé de plus en plus par les gens. Aujourd'hui, des centaines des Iraniens ont été tués dans la rue avec les revolvers, même les gens qui n'étaient pas dans la manif, pour dire il faut pas venir dans l'espace public puisque les gens protestent. La révolution de 1979, regardée par les femmes, nous on avons étudié ça ce matin dans le cours de l'histoire, permet de comprendre ce long mouvement qui nous conduit aujourd'hui où tout est possible. Et vous avez souligné, c'est vrai, que cette différence entre le totalitarisme iranien et la religion, et c'est pas la même chose. La religion est un instrument et les femmes sont au cœur, à la fois victimes de l'oppression et à la fois de la résistance. Merci beaucoup Shora Makaremi, le cahier d'Aziz, le témoignage de votre grand-père, lecture incroyable. Merci beaucoup Azadeh Khian, vous êtes l'auteur de Femmes et pouvoir dans l'islam. Et merci beaucoup Shahla Shafiq, le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir, c'est votre dernier ouvrage. Merci à toutes les trois. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Khian et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors ce matin dans le journal de l'Histoire, une série qui exhume l'histoire tourmentée des manuels d'éducation. Vous avez peut-être vu, sinon faites-le, la série Marvelous Mrs. Maisel, l'histoire d'une femme au foyer brutalement divorcée qui se réinvente en star comique de stand-up. Marianne Midge Maisel glose de manière hilarante sur les tourments ordinaires de sa vie et ne boude pas son plaisir de se donner en spectacle dans les bars crasseux du New York de la fin des années 50. Dans le troisième épisode de la première saison, Midge s'inquiète du comportement étrange de son fils Ethan qui la terrorise en la regardant dormir plantée à côté de son lit. Bon, qu'est-ce que le docteur Spock en dit ? J'en sais rien. Tu n'as pas consulté ton docteur Spock ? Non. Mais tu as ton docteur Spock ? Je crois, oui. Midge, tu n'as pas lu le docteur Spock ? Si, je l'ai parcouru. Tu l'as parcouru ? Midge, on ne parcourt pas le docteur Spock. On absorbe le docteur Spock, on inhale le docteur Spock. Comment tes enfants ont pu survivre sans que tu aies lu le docteur Spock ? Je me pose la question. C'est un véritable mode d'emploi pour élever les enfants. J'ai couru me l'acheter dès que j'ai connu Archie. Je l'ai apporté à notre second rencard. Ça l'a surpris. Cette première saison raconte le cataclysme social de la séparation d'un couple dans les années 50. Il faut cacher la fuite du mari volage au plus grand dam de Madame Maisel, mère qui se morfond sur l'avenir désormais condamné de sa fille, et prier pour que monsieur revienne à la raison et réintègre sa vie conjugale. Alors que faire en attendant ? Tout l'entourage de Midge Maisel y va de son conseil pour la sortir de ce guépier. À commencer par la meilleure amie, Imogen, qui la renvoie au livre d'un certain Dr. Spock, son maître à penser du moment, qui semble avoir toutes les solutions et n'a rien à voir avec les aventures intergalactiques de son homonyme aux oreilles pointues. Il est l'auteur à succès d'un livre de conseils d'éducation auquel Midge règle son compte sur scène. Quelqu'un connaît cette enflure ? Le Dr. Spock ? Je l'avais jamais lu, jusqu'à ce que mon fils se mette à faire ce truc bizarre où je me réveille, il est debout en train de me fixer comme s'il préparait quelque chose. Et je me dis, bon, ça va, pour l'instant je le bats encore, mais dans quelques temps... Alors j'ai eu recours à l'expert. Et une des choses qu'il dit, c'est, faites-vous confiance, vous êtes plus forte que vous ne le croyez. Attends, tu te fous de moi ? C'est ça ton sage conseil ? Pourquoi tant de haine et qui donc est ce Dr. Spock qui semble avoir torturé les mères des années 50 ? Cette enflure, c'est surtout l'histoire d'un malentendu. Pédopsychiatre de la nouvelle gauche américaine, Benjamin Spock appartient à la génération des médecins qui prônent la valorisation des mères dans l'épanouissement de leurs bambins, une ouverture aux minorités américaines, il participe aux marches de Luther King, s'oppose à la guerre du Vietnam et devient le symbole des thèses qui auraient conduit à la dégénérescence des jeunes générations, accusées de favoriser l'apparition de futurs beatniks en rupture avec la sévérité des valeurs d'éducation behavioriste de son temps. Le bon Dr. Spock devient bientôt la proie de critiques féministes à force de défendre la centralité de la relation maternelle qui encourage le rapatriement illico de la femme à la maison. Il n'y avait visiblement pas pensé. Mais avec 50 millions d'exemplaires vendus à ce jour et 32 traductions, « Comment soigner son enfant » paru en 1952, a irrigué la planète de sa libéralité nouvelle contre les convenances sociales dominantes dont Mrs. Maisel apprend à se départir au fil de ses aventures. Si les théories du bon Dr. Spock restent insuffisantes face à la détresse absolue de notre héroïne, elles ont pourtant révolutionné l'éducation et paraissent aujourd'hui élémentaires après les multiples amendements apportés depuis 70 ans. Merci Anaïs. Et tous les liens utiles pour assouvir notre curiosité sur le Dr. Spock et Mrs. Maisel se trouvent sur la page du Journal de l'Histoire. C'est sur le site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Camille André, Aurélie Lachecard, des émissions à retrouver sur le site internet lecoursdelhistoire.franceculture.fr ou en balado-diffusion. Et pour en discuter, il y a le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Demain, Belle Époque, Trente Glorieuse, Année Folle, Second Empire. Mais d'où viennent les noms d'époque ?